Je présumais que le cryptogramme était anglais. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'espace entre les mots. S'il y avait eu des espaces, la tâche eût été singulièrement plus facile. Dans ce cas, j'aurais commencé par faire une collation et une analyse des mots les plus courts, et si j'avais trouvé, comme cela est toujours probable, un mot d'une seule lettre A ou I, un je, par exemple, j'aurais considéré la solution comme assurée. Mais puisqu'il n'y avait pas d'espace, mon premier devoir était de relever les lettres prédominantes, ainsi que celles qui se rencontraient le plus rarement. Je les comptai toutes et je dressai la table que voici. Le caractère 8 se trouve 33 fois. Le caractère point-virgule se trouve 26 fois. Le caractère 4 se trouve 19 fois. Le caractère 2 plus et parenthèse se trouve 16 fois. Le caractère étoile se trouve 13 fois. Le caractère 5 se trouve 12 fois. Le caractère 6 se trouve 11 fois. Le caractère plus et 1 se trouve 8 fois. Le caractère 0 se trouve 6 fois. Le caractère 9 et 2 se trouve 5 fois. Le caractère 2 petits points et 3 se trouve 4 fois. Le caractère point d'interrogation se trouve 3 fois. Le caractère 1 se trouve 2 fois. Le caractère moins et point se trouve 7 fois. Or, la lettre qui se rencontre le plus fréquemment en anglais est E. Les autres lettres se succèdent dans cet ordre. A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. E prédomine si singulièrement qu'il est très rare de trouver une phrase d'une certaine longueur dont il ne soit pas le caractère principal. Nous avons donc, tout en commençant, une base d'opérations qui donne quelque chose de mieux qu'une conjecture. L'usage général qu'on peut faire de cette table est évident. Mais pour ce chiffre particulier, nous ne nous en servirons que très médiocrement. Puisque notre caractère dominant est 8, nous commencerons donc par le prendre pour le de l'alphabet naturel. Pour vérifier cette supposition, voyons si le 8 se rencontre souvent double. Car le se redouble très fréquemment en anglais, comme par exemple dans les mots meet, fleet, speed, sin, been, agree, etc. Or, dans le cas présent, nous voyons qu'il n'est pas redoublé moins de 5 fois, bien que le cryptogramme soit très court. Donc, 8 représentera E. Maintenant, de tous les mots de la langue, the est le plus usité. Conséquemment, il nous faut voir si nous ne trouverons pas répété plusieurs fois la même combinaison de 3 caractères, ce 8 étant le dernier des 3. Si nous trouvons des répétitions de ce genre, elles représenteront très probablement le mot the. Vérification faite, nous n'en trouvons pas moins de 7, et les caractères sont point-virgule 4, 8. Nous pouvons donc supposer que point-virgule représente T, que 4 représente H, et que 8 représente E. La valeur du dernier se trouvant ainsi confirmée de nouveau. Il y a maintenant un grand pas de fait. Nous n'avons déterminé qu'un mot, mais ce seul mot nous permet d'établir un point beaucoup plus important, c'est-à-dire les commencements et les terminaisons d'autres mots. Voyons par exemple l'avant-dernier cas, où se présente la combinaison point-virgule 4-8, presque à la fin du chiffre. Nous savons que le point-virgule qui vient immédiatement après est le commencement d'un mot, et des 6 caractères qui suivent ce « the », nous n'en connaissons pas moins de 5. Remplaçons donc ces caractères par les lettres qu'ils représentent, en laissant un espace pour l'inconnu. T, E, E, TH. Nous devons tout d'abord écarter le TH comme ne pouvant pas faire partie du mot qui commence par le premier T, puisque nous voyons, en essayant successivement toutes les lettres de l'alphabet pour combler la lacune, qu'il est impossible de former un mot dont ce TH puisse faire partie. Réduisons donc nos caractères à T, E, E. Et reprenant de nouveau tout l'alphabet s'il le faut, nous concluons au mot « tree », arbre, comme à la seule version possible. Nous gagnons ainsi une nouvelle lettre, R, représentée par parenthèse plus deux mots juxtaposés, the tree, l'arbre. Un peu plus loin, nous retrouvons la combinaison, point-virgule, 4, 8, et nous nous en servons comme de terminaison à ce qui précède immédiatement. Cela nous donne l'arrangement suivant, the tree, point-virgule, 4, parenthèse, 2 plus, point d'interrogation, 3, 4, the, ou, en substituant les lettres naturelles aux caractères que nous connaissons, the, tri, thr, de plus, point d'interrogation, 3h, the, point. Maintenant, si aux caractères inconnus, nous substituons des blancs ou des points, nous aurons the tree, the, h, the, et le mot through, par, à travers, se dégage pour ainsi dire de lui-même. Mais cette découverte nous donne trois lettres de plus, o, u et g, représentées par de plus, point d'interrogation, et trois. Maintenant, cherchons attentivement dans le cryptogramme des combinaisons de caractères connues, et nous trouverons non loin du commencement l'arrangement suivant. 8-3, parenthèse 8-8, ou agree, qui est évidemment la terminaison du mot degree, degré, et qui nous livre encore une lettre D, représentée par plus. Quatre lettres plus loin de ce mot degree, nous trouvons la combinaison point-virgule, 4, 6, parenthèse, point virgule, 8, 8, dont nous traduisons les caractères connus et représentons l'inconnu par un point, cela nous donne th.rie, arrangement qui nous suggère immédiatement le mot 13, 13, et nous fournit deux lettres nouvelles, I et N, représentées par 6 et étoile. Reportons-nous maintenant au commencement du cryptogramme et nous trouverons la combinaison 5, 3, 5 plus. Traduisant, comme nous avons déjà fait, nous obtenons point good, ce qui nous montre que la première lettre est un A et que les deux premiers mots sont a good, un bon, une bonne. Il serait temps maintenant, pour éviter toute confusion, de disposer toutes nos découvertes sous forme de table. Cela nous fera un commencement de clé. 5 représente A, plus représente D, 8 représente E, 3 représente G, 4 représente H, 6 représente I, étoile représente N, de plus représente O, parenthèse représente R, point virgule représente T. Ainsi, nous n'avons pas moins de 10 des lettres les plus importantes. Il est inutile que nous poursuivions la solution à travers tous ces détails. Je vous en ai dit assez pour vous convaincre que des chiffres de cette nature sont faciles à résoudre, et pour vous donner un aperçu de l'analyse raisonnée qui sert à les débrouiller. Mais tenez pour certain que le spécimen que nous avons sous les yeux appartient à la catégorie la plus simple de la cryptographie. Il ne me reste plus qu'à vous donner la traduction complète du document comme si nous avions déchiffré successivement tous les caractères. La voici. A good glass in the bishop's hostel, in the devil's seat 41 degrees and 13 minutes northeast and by north, main branch 7th limb, its side, shoot from the left eye of the death head, a bee line from the tree through the shot 50 feet out. Un bon verre dans l'hostel de l'évêque, dans la chaise du diable. 41 degrés et 13 minutes nord-est, quart de nord, principale tige, 7e branche, côté est. Lâché de l'œil gauche de la tête de mort, une ligne d'abeille de l'arbre à travers la balle, 50 pieds au large. Mais, dis-je, l'énigme me paraît d'une qualité tout aussi désagréable qu'auparavant. Comment peut-on tirer un sens quelconque de tout ce jargon, de « chaise du diable », de « tête de mort » et « d'hostel de l'évêque » ? Je conviens, répliqua le grand, que l'affaire a l'air encore passablement sérieux quand on y jette un simple coup d'œil. Mon premier soin fut d'essayer de retrouver dans la phrase les divisions naturelles qui étaient dans l'esprit de celui qui l'écrivit. De la ponctuer, voulez-vous dire ? Quelque chose comme cela. Mais comment diable avez-vous fait ? Je réfléchis que l'écrivain s'était fait une loi d'assembler ses mots sans aucune division, espérant rendre ainsi la solution plus difficile. Or, un homme qui n'est pas excessivement fin sera presque toujours enclin, dans une pareille tentative, à dépasser la mesure, quand, dans le cours de sa composition, il arrive à une interruption de sens qui demanderait naturellement une pause ou un point, il est fatalement porté à serrer les caractères plus que d'habitude. Examinez ce manuscrit et vous découvrirez facilement 5 endroits de ce genre où il y a, pour ainsi dire, encombrement de caractères. En me dirigeant d'après cet indice, j'établis la division suivante. A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat, 41 degrees and 13 minutes, northeast and by north, main branch, 7th limb, east side, shoot from the left eye of the death head, a beeline from the tree through the chaut, 50 feet out. Un bon verre dans l'hostel de l'évêque dans la chaise du diable, 41 degrés 13 minutes, nord-est quart de nord,